22h18. Chronique de terrain. Une proposition radiophonique de Mélia Roger pour le festival Archipel. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Adèle de Baudouin pour parler d'une prise de son qui illustre sa démarche de recherche-création. J'admire Adèle pour sa façon de créer du lien, des liens entre le politique, l'intime, le vivant et le sonore. Sans vous en dire davantage, je lui laisse la parole pour se présenter. Je suis doctorante en électroacoustique et en écoacoustique. Je travaille sur la sauvegarde des paysages sonores et en particulier sur des techniques de... Enfin, trouver des moyens de visualiser les paysages sonores. Vraiment, mon travail principal en ce moment, c'est une thèse entre art et recherche scientifique. Et je suis aussi compositrice électroacoustique, audio-naturaliste. Avant, c'est quelque chose que je faisais pas, mais maintenant, je me situe quand je parle de mon travail. Et même juste quand je parle de musique, parce que je pense que c'est aussi important. Du coup, je suis une personne blanche, assignée femme à la naissance, de classe moyenne. Je viens de zone rurale, je suis féministe radicale, queer et antispéciste. J'essaye de, on va dire, un peu cartographier le parc naturel régional du Haut-Jura avec les sons qui sont émis par ce territoire. J'ai réalisé plein de prises de son à plein d'endroits différents et notamment voilà, des prises de son sur une zone où il y avait une grotte, rivière, etc. Et vraiment, je me baladais en essayant de vraiment me focaliser sur... mes oreilles et essayer de comprendre un peu l'espace qui était autour de moi et essayer de le voir en, voilà, d'une façon qui était un peu plus un peu décalée. J'avais envie de m'intéresser aussi aux tout petits sons, aux choses qu'on va pas forcément entendre. Et du coup, je suis passée à côté d'un lavoir. Et là, je sais pas, j'étais vraiment... Je me suis dit, oh, ok, j'ai été vraiment attirée par ce son, enfin, par ce lavoir. Et je me suis dit, ok, je vais essayer de mettre l'hydrophone dans le tube, qui est vraiment le tube qui est de rejet du lavoir. Juste en dessous, il y a une rivière qui passe. Et du coup, ce qu'on entend, c'est vraiment les sons de vibration de l'eau qui est contenue dans le lavoir, mais aussi de l'eau qui passe en dessous. Et probablement aussi de la route qui passe sur le côté et qui doit aussi faire vibrer tout ça. En fait, c'est un son qui est assez mystérieux. Franchement, je suis pas capable de dire ce qui vraiment produit vraiment les vibrations. Comment est-ce que ce son, il est vraiment créé? Mais il a quelque chose de vraiment intéressant parce que c'est vraiment un son qui est à l'interface entre à la fois humain, humaine, et puis aussi des sons beaucoup plus sauvages. Mais à la fois, ouais, de quelque chose qui est construit vraiment, parce que c'est comme un instrument de musique. Enfin, le fait que ce soit un tube en métal, il est vraiment disposé pour ça, mais à la fois, il n'a pas du tout été mis là pour faire de la musique. Et c'est vraiment un son qui a été... qui est révélé par la pratique du micro, vraiment par l'hydrophone. On ne pourrait vraiment pas l'entendre, ce n'est pas quelque chose qu'on peut entendre comme ça avec nos oreilles. Alors à la fois, il est constitutif du paysage sonore dans lequel il est, mais il faut vraiment aller porter son attention dessus pour l'entendre. Et sans avoir un moyen, un outil technique, le micro, mais il est vraiment pas accessible et il faut vraiment porter son attention, quoi. Quand on est dans un environnement sonore, quand on est dans un environnement tout court, on a l'impression qu'il y a un peu tout qui est posé autour de nous comme un cadre qui a été fait pour nous, dans lequel on se déplace, et pouvoir donner à entendre des interactions qui vont pas de soi. Et je pense que ça nous force un petit peu à décaler notre écoute et surtout à décaler notre attitude vis-à-vis du son, vis-à-vis de l'environnement et vis-à-vis des autres, vis-à-vis des vivants, vivantes. Quand j'ai commencé à aller dans ces espaces naturels et à me dire « Ok, je vais faire de la prise de son là-bas » et essayer de... vraiment, le postulat à la base, c'était « Je veux rapporter la voix des paysages sonores, je veux rapporter la voix des vivants et vivantes, du sauvage. » C'était à peu près les seules choses que j'avais en tête. J'ai un terrain, le parc naturel régional du Jura. Et je pense qu'en fait, au fur et à mesure de ma thèse, et en pratiquant aussi, je pense que ça a été une interaction entre réflexion et beaucoup de la pratique, en mettant mon corps dans l'espace, en pratiquant avec mes micros, en réfléchissant à mais pourquoi je vais dans tel lieu à tel moment, pourquoi est-ce que j'ai ces gestes-là avec mon matériel, et aussi après en studio quand je reviens, quand je module le son, qu'est-ce que je suis en train de faire. J'ai eu des phases de terrain, des phases de studio, des phases aussi de plus de réflexion, et il y avait des allers-retours entre tout ça. Et du coup, j'ai pu vraiment, je pense, en réfléchissant à tout ça, j'ai inscrit ma démarche dans ce que j'ai décidé d'appeler les écologies sonores déviantes. Ça vient vraiment en fait des théories queer. Donc le terme d'écologie déviante, c'est pas un terme qui est de moi, pas du tout. C'est un terme qui vient de Cilocère Maulpois et qui a traduit en fait le mot d'écologie queer et qui a insufflé quelque chose d'autre en appelant ça écologie déviante. Et en fait, c'est vraiment les écologies anticapitalistes, féministes, queer, qui vont s'intéresser aux marges en fait en partant du principe que nos corps de personnes déjà déviantes, déjà minorisées, contre nature. Et ben en fait, on va partir de ce postulat-là, on va partir de notre vécu et de l'endroit où on a été mis. On va aussi le revaloriser, on va essayer d'en parler, et en fait, on va en faire un espace où on est puissant, puissante, et on peut créer des interactions aussi. Et j'ai été super intéressée par cette théorie-là, et j'ai réfléchi à comment ça s'inscrivait dans ma pratique de son, parce qu'en fait j'ai vu qu'il y avait plein de liens qui se tissaient entre ça et ma pratique, sauf que j'avais pas du tout les mots. Enfin, moi je vois vraiment ça comme un énorme cadeau quand j'ai pu lire le livre de Cilocère Maulpois, Les écologies déviantes, en me disant ok, là en fait je comprends ce que je suis en train de faire, et il y a d'autres gens qui ont travaillé là-dessus et qui ont posé un cadre et des théories. Déjà, je suis pas seule à réfléchir à ça. Moi, ma pratique, c'est une proposition. C'est une façon de faire des écologies déviantes. Et c'est les écologies sonores déviantes. C'est proposer une façon d'écouter notre environnement, du coup notre environnement sonore, où le son va être à la fois un média, mais aussi surtout une pratique à la fois corporelle et d'attention pour vivre des interactions avec... les autres êtres vivants et vivantes, avec nos environnements, en s'intéressant aux espaces vraiment d'interstices, aux espaces de marge. En fait, en s'intéressant à ces sons-là, on va vraiment... Moi, j'ai l'impression qu'on peut vraiment décaler notre façon de penser, où on est vraiment très égocentré sur notre monde d'humain. Et là, en faisant ça, on va vraiment essayer de penser l'environnement autrement. Ok, un environnement, c'est pas forcément quelque chose de fixe, de stable, sur lequel il y a un cadre occidental, blanc et normé par des conceptions de beauté, de naturel. En s'intéressant aux espaces d'interstices, de marge, on va s'intéresser aux interactions. Et déjà, juste en faisant ça, on décale complètement notre façon de voir le monde. et de le vivre, quoi. Voilà, je remercie Adèle de Baudouin pour le partage de cet enregistrement d'interstice de Creux qui donne à entendre sa démarche d'écologie sonore déviante. Je vous invite à retrouver la pratique d'Adèle sur les liens qui seront mis prochainement sur le site d'Archiradio, ainsi que la référence de Si le cerf mot le poids. Et quant à moi, je vous dis à demain.